Helgvor du fleuve bleu de Joseph Henry Books, dit Rosny aîné. Troisième partie. Chapitre 1. Le retour des batteurs d'estrade. Jusque vers l'aube, l'énorme pluie avait torturé les Ougmars. Sans feu, dans des ténèbres si denses qu'ils semblaient ensevelis dans une fosse noire, avec ce bruit mou et innombrable, le corps trempé dans le liquide froid, ils grelottaient. Parfois, après un sommeil pesant, ils s'éveillaient avec des sensations intolérables qui leur ôtaient toute force et toute volonté. Ceux qui environnaient Glava ne songeaient même plus à elle, et l'idée d'une évasion à travers cette nuit insondable ne se formait pas dans les crânes. Enfin la pluie cessa. Peu avant l'aube, une brise froide souffla sur les chairs souffrantes. Une lumière molle finit par transparaître. Les nomades se dressèrent. L'un d'eux poussa une exclamation. Plusieurs regardèrent, troublés. Puis un guerrier dit « Où est la fille d'Ezo ?» Akroun s'était levé péniblement. Des douleurs lentes traversaient ses muscles, car il était à l'âge où l'humidité est pernicieuse. Au cri du guerrier, il se tourna et ne vit pas la captive. La fureur bondit entre ses tempes. Il éleva une voix retentissante. Qu'ont fait les hommes qui devaient garder la fille des rocs? Ont-ils des yeux, des oreilles et des mains, ou sont-ils semblables aux vers qui rampent sur la terre? Les quatre guerriers qui entouraient la fugitive baissèrent la tête. Les hommes aveugles et sourds ne méritent pas d'être des guerriers. Ils ne méritent ni femme ni descendance. Ils sont plus inutiles que les chiens. Mais les chiens n'ont pas aboyé, dit humblement l'un des hommes. La fille Tso n'était plus une étrangère pour eux. Elle l'était pour les hommes. Il se tut, partagé entre le désir de châtier les coupables et la crainte de perdre des partisans. Glava devait servir ses desseins, tenir Aigoun et Helgvor en suspens, finalement les jeter l'un contre l'autre. « Que les guerriers interrogent la terre » ordonna-t-il. Lui-même se mit à l'œuvre et très vite se persuada que le hasard seul pouvait faire découvrir la fugitive. À travers la fange et la pluie, peut-être s'était-elle abattue de fatigue et de froid. Comme le chef, les guerriers surent qu'aucune piste n'était perceptible. La pluie avait tout noyé. Ils cherchaient toutefois, quelques-uns animés d'une ardeur ambiguë. L'un d'eux, arrivé au lieu où l'on avait fait atterrir le canot, s'exclama. Une pirogue a disparu. Akroun se souvint que les femmes Tso étaient venues de leur pays dans une embarcation, et ne doutant plus que Glava eût saisi le canot, sa colère se mêla d'estime pour la jeune fille. La Tso a combattu avec Helgvor, murmura-t-il doucement. Elle a le cœur et la volonté d'un homme. Il souhaita d'autant plus la ressaisir, car il revit le regard luisant de haine et de dégoût qu'elle dardait vers Aigoun. Il songeait à son aïeule, Awa, laquelle avait tué un guerrier qui voulait faire d'elle sa femme. Que deux pirogues poursuivent la fille des rocs, fit-il. Mais les guerriers reviendront avant que le soleil soit entre les eaux du matin et le haut du ciel. L'absence d'Aigoun et de Shtra commençait à l'impatienter. Les pirogues revinrent avant les éclaireurs, sans rapporter aucun indice, et Akroun songea encore, plein de regrets. La fille des rocs est aussi rusée que le lynx. Soumise à la fatalité et n'ayant du temps qu'une notion embryonnaire, il se rassit pour attendre. Le soleil franchit le zénith. Il était dans la première phase de sa descente lorsque les guetteurs du nord-est se rabattirent sur le campement. Aigoun arrive derrière les collines. Les mâchoires d'Akroun saillirent. Il prévit la victoire du rival. Aigoun amène des prisonniers, vint dire un second guetteur. L'âme du chef devint amère comme la feuille du saule. Ses oreilles bourdonnèrent. Aigoun saisirait le commandement. Tournant la tête vers les collines, Il vit debout sur un sommet Haïgoun qui agitait des bras triomphants et montra deux de son captif avec quatre femmes. Les Ougmars hurlèrent, frénétiques d'enthousiasme, et l'un osa dire « Haïgoun sera un grand chef ». Tous allèrent à la rencontre des arrivants. Trois guerriers reconnaissant leurs femmes bondirent comme des égagres. Haïgoun marcha d'abord vers le chef par bravade et dit orgueilleusement « Voici deux captifs et quatre femmes. Trois de ceux ont été immolés. » Haïgoun est un guerrier habile, fit Akroun avec effort. Combien de Tso a-t-il combattu ? 5, répondit l'autre. N'ai-je pas dit que 3 avaient péri ? Pourquoi n'y avait-il que 5 Tso ? Une des femmes répondit. Il y avait d'abord plus de 20 Tso et 10 femmes. L'inondation a noyé 6 femmes et 15 guerriers. Alors Haïgoun est venu avec ses compagnons. Et les 5 Tso combattus ? Demanda astucieusement Akroun. La femme répondit, sans méfiance, « Les Tso n'avaient plus de force. » Un rire silencieux brida les sourcils d'Akroun, tandis que Haïgoun regardait la femme avec indignation. Mais peu d'Ougmar comprirent. Tous admiraient l'habileté d'Haïgoun. Les guerriers se pressaient autour des captifs, qui, pitoyables, couverts de sang et de fange, les pieds blessés, le ventre creux de faim, les yeux agrandis par la fièvre, tremblaient d'inquiétude. Quelques-uns les injurièrent en les menaçant de mort. Haïgoun acquiesça. « Le fils du loup a voulu que les Ougmars voient le visage des ennemis, fit-il, mais ils seront anéantis. » « N'ont-ils pas massacré les vieillards, les enfants et frappé les femmes des Ougmars ? » dit celle qui avait déjà parlé. Un guerrier brandit sa hache, approuvée par des clameurs véhémentes. Et déjà des sagaies s'enfonçaient dans le ventre des captifs, qui levaient des mains misérables. Les massues s'abattirent, les épieux pointèrent. Les Tso, écroulés sur le sol, se débattaient obscurément avec des lamentations suraiguës. Leur sang jaillissait à flots rouges, leurs entrailles coulaient comme des reptiles bleus, et avant qu'ils ne mourussent, on leur arracha les yeux, on leur ouvrit le crâne, on leur trancha les membres. Graduellement, les misérables cessèrent de panteler, tandis que les gouas découpaient des bandes de chair chaude, arrachaient les cœurs et buvaient le sang. Écœurés, Akroun et plusieurs Ougmars se retirèrent. Haïgoun, qui épia évidemment le site, n'apercevant pas Glava, demanda « Où est l'étrangère ?» Akroun, soucieux, répondit « L'étrangère a fui. » Tremblant de rage, Haïgoun répéta « L'étrangère a fui ?» Ses grandes épaules vacillaient, ses yeux menacèrent le chef. « Qui l'a laissé fuir ?» Akroun secoua la tête. « Le chef jugera plus tard, » fit-il, énigmatique. Il s'était redressé, la haine lui rendait l'énergie. Haïgoun devina qu'il ne fallait pas aller plus loin. « Qu'on la recherche, » dit-il. « Nous l'avons cherchée. » Déjà un apaisement entrait dans la lourde poitrine. La voix devenait moins rude. « Shtra n'est pas encore revenu ? » demanda-t-il. « Shtra n'est pas revenu. » Un rire opaque secoua Haïgoun. Il espéra que Helgvor avait péri, et cet espoir le rendit presque joyeux. Puis un doute farouche le griffa. « Lazo n'aurait-elle pas rejoint le fils de Shtra ?» Le soleil était au tiers de sa marche descendante et Shtra n'était pas revenu. Aigu, l'inquiétude mordait Akroun. Sans Shtra, sans Helgvor, la lutte devenait plus pénible et plus incertaine. Cependant, les femmes avaient raconté leur périple et l'on savait qu'une troupe importante de Tso fuyait dans le sud-est, tandis qu'une autre était demeurée plus près du fleuve. Il fallait choisir, car il eût été périlleux d'organiser une double poursuite. Haïgoun et les siens exigèrent qu'on marchât vers le sud oriental. Akroun ripostait. Nous devons attendre le retour de Shtra. Shtra ne reviendra pas, ricanait le géant. Un cri lointain s'éleva sur la colline méridionale où les veilleurs élevaient les bras. Voilà, dit Akroun, attendons. Il ne savait point si les veilleurs annonçaient de bonnes ou mauvaises nouvelles. Il épiait sombrement un homme qui arrivait à grande foulée et qui, lorsqu'il fut assez près pour se faire comprendre, cria Stra revient. Ramène-t-il des prisonniers? Demanda railleusement Haïgoun. Il ramène des femmes, beaucoup de femmes. Le visage de Haïgoun se couvrit de cendres. Il grogna. Beaucoup de femmes? Deux fois autant que les doigts de la main. Les guerriers pressés autour des veilleurs meuglaient comme un troupeau d'aurochs. Il y en eut qui dirent « Stra est un grand guerrier ». Mais Haïgoun pressentait que Stra n'était pas le vrai vainqueur et le sang des meurtres montait entre ses tempes. Une joie vive exaltait Hakrun. Bientôt, Stra, Hegvor, Yuk, quatre autres Ougmar, 20 femmes et les Gois parurent. Et comme naguère pour Haïgoun, tous les guerriers se ruaient à la rencontre des éclaireurs. Beaucoup, reconnaissant leurs femmes, riaient sauvagement. Stra s'avança au-devant du chef et dit « Voici celle que Helgvor, Stra et les guerriers ramènent aux Ougmar. » « Elitso ?» demanda le chef. « Presque tous sont morts, très peu se sont sauvés. Ils étaient comme 3 fois les doigts de la main. » Comme Haïgoun ricanait d'une manière insultante, Stra, Yuk, Helgvor et les autres, en silence, jetèrent devant eux les pouces retranchés au cadavre. Il y en avait 24. « C'est bien, dit le chef. Stra est un grand guerrier. » Stra répondit. « Stra n'est pas un grand guerrier. Helgvor, rusé comme le lynx et fort comme le tigre, a tué plus de 12 tsos. »« Stra ment !» hurla Haïgoun. « Stra dit vrai, intervint Yuk. Et les guerriers Ougmar qui avaient suivi Stra répétèrent. « Stra dit vrai !» Alors, d'autres guerriers acclamèrent Helgvor et Hakrun se sentit plus puissant. De plus, le retour des femmes donnait à Helgvor un prestige incomparable. « Helgvor est plus fort que Haïgoun, » fit une voix dans la foule. « Haïgoun écrasera Helgvor comme le léopard écrase les gagres, » rugit le fils du loup. Helgvor ne craint pas Haïgoun. Le fils de Stra se dressait devant Haïgoun, tenant la massue et la sagaie. Les guerriers se précipitèrent. Hakrun déclara. Les Ougmar n'ont pas repris toutes les femmes. Ils ont besoin de Haïgoun et de Helgvor. Hakrun est le chef, crièrent 20 voix. Le fils du grand loup réfréna sa colère. Helgvor périra quand nous aurons repris les femmes. Helgvor abattra Haïgoun. Étonné de n'avoir pas encore aperçu Glava, Helgvor demanda. « Où est la fille d'Erok ?»« L'étrangère s'est enfuie, » dit le chef. « La pluie noyait le camp, tous les feux étaient morts. Il faisait si noir qu'un troupeau de mammouths aurait été invisible. Les chiens même n'ont rien senti. » Parlant ainsi, il rassurait et ralliait à sa cause ceux qui devaient veiller sur Glava, car il concevait que, Haïgoun tout-puissant, il serait châtié. Comme naguère son rival, Helgvor dit « Il faut la reprendre. Les guerriers ont longtemps cherché sa trace. » La tristesse qui envahit Helgvor fut si lourde qu'il oublia sa victoire. « Helgvor ira à la recherche de Glava, » déclara-t-il. Le chef répondit. « Quand les Ougmar auront repris toutes les femmes. » La révolte secoua le jeune homme, mais la loi de la race l'emporta. « Helgvor attendra que les femmes soient reprises. »